Je voudrais Didier pas... Bourdon aussi. Je voudrais pas faire mon gros lourd pendant. Mais il faut qu'on dise ce qui s'est passé dans la nuit. Tout, ouais. Okay, histoire qu'on se rappelle des bons moments. Bah, avant. Le fil conducteur étant Nagui, je répète, le fil conducteur oui, Nagui. Est pour la Nagui. J'espère que Raphaël est bien arrivé chez lui. Non, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, avant de conclure sur le mot de la fin. Je tiens à remercier tous ceux qui sont venus ce soir, oui. Qui ont eu le courage de venir meubler des heures, malgré la fatigue, malgré des fois la faim, la soif, la chaleur, les lattes du lit qui... les aléas du direct. Merci d'avoir assumé jusqu'au bout, d'y vous y être donné à 100%, et d'avoir joué le jeu et tout, c'était vraiment cool. Et un merci aussi tout particulier à l'empereur. Ouais. Oui. Pierre, là, t'as fait un travail formidable, pratiquement non-stop. T'es resté pour assumer tout ça, régler tout ça. Bravo. Pierre, il voudra pas venir à la deuxième nuit anonyme. Maintenant, il sait ce que c'est. Maintenant, il a piège. Compris. Donc merci Pierre, à on qui... la refait le week-end prochain. Demain soir. Merci à ceux qui nous ont suivis. Merci à ceux qui ont fait vivre le chat, que ce soit les personnes d'ici ou d'ailleurs. Ou les doubles de personnes d'ici. C'était obligé. Merci à nous. Merci à vous. Merci aux quatre savoureux. Ouais, voilà. Non, à nous, je disais à nous ensemble, ouais. Tout le monde. Bah, vous quand même, à la base. Je disais pas nous, moi. Bah, merci à surtout... un grand merci à Tomer Couette. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait qui est ce personnage. Eh bien, Tomer Couette, c'est la personne sans qui on n'aurait pas eu l'idée de faire ça. La nuit anonyme, ça ne vient pas du tout de nous. Ce n'est pas un concept qu'on a pondu, c'est un concept qu'on a honteusement volé. Mais c'est qu'on a voulu copier pour. Justement, c'est pour lancer un peu. Cette idée de faire revivre les lives comme ça, où c'est le bordel, où on improvise des trucs, où il se passe des moments émouvants, où il se passe des moments hilarants, où il se passe des moments impressionnants. Et Tomer Couette, du coup, a lancé sur sa chaîne l'original. Donc, allez voir. C'est marrant, c'est les mecs qui font 3 vues qui disent d'aller voir le mec qui en fait 1500. 100 000. Et, non, et du coup, il fait sur sa chaîne l'original. Il anime la nuit originale, qui est la nuit anonyme, mais avec des gens connus, avec des gens bien, des gens du YouTube Game, et de l'Internet Game. Des gens fort sympathiques et fort intéressants. Des gens sympathiques, drôles, intéressants, pareil, on vit ces moments de joie et d'insouciance. Et donc voilà, merci à lui d'avoir lancé ce genre de truc sans qui on n'aurait pas eu l'idée d'en faire une nous-mêmes. Voilà. Moi, je vous dis merci pour toutes les petites découvertes musicales qu'on a eues et tous les mots que j'ai appris, toutes les choses que j'aurais encore appris cette fois-ci. Surtout pénis. Et ouais, merci à tous d'être venus. C'est cool de nous avoir suivis. Bah, merci de nous avoir invités déjà, premièrement. Ouais, bah oui. Ouais, mais quand même. Alors, j'ai une question, moi, vu que j'ai un peu fait mon lâche sur cette édition. C'est-à-dire, je suis venu une heure, puis je suis allé dormir, puis je suis revenu. Y aura-t-il une autre nuit anonyme ? Alors, j'espère tellement. Alors. Comment vous dire simplement ? Et quand aurai-je mon kebab ? Il s'enfuit en courant. Non, alors. En fait, on s'est dit un truc. Tu pourras le respecter aussi. Il y a 15 personnes qui parlent en même temps. Non, juste pour revenir comme ça. On crève l'abcès. Non, on s'est juste dit qu'on allait faire une édition. Vraiment, à la va-vite. Non, parce que c'est du boulot. Ça n'a pas l'air terrible comme ça, comme préparation, mais c'est énormément de préparation. On s'est dit, on va mettre la caméra de l'ordinateur, on va faire comme ça. On va essayer de voir si ça tient la route. Et on s'est dit, peut-être qu'on en ferait une deuxième, mais... Il y a une condition, c'est que certes, ça, il n'y a pas eu une énorme il n'y a pas eu énormément de spectateurs tout le long de la nuit. on n'a pas dépassé les 15, on s'en fiche en fait. Ouais, tant qu'on kiffe entre nous. Tant qu'on kiffe entre nous, c'était pas du tout le but recherché. Et on s'est dit que si on voulait faire une deuxième édition dans le courant de l'année, sachant bon, on l'a lâché cracher le morceau plusieurs fois, on est encore étudiant et pour certains c'est leur dernière année, ce qui implique des examens, c'est compliqué. Mais si le replay a un succès modeste mais suffisamment stupéfiant à notre goût, pourquoi pas avoir l'envie de se casser le cul à organiser une deuxième avec plus de moyens et plus de panache. Genre un samedi, pas un jour où on a dormi 6 heures la nuit précédente. Au fait, on a eu des gros problèmes d'organisation parce qu'on était censé faire un jour, puis ça a changé, puis ça a rechangé. Puis au final, on se dit, bon, faut la caler maintenant, sinon on la calera jamais. Et voilà, c'est ce qui a créé ce jour-là. Mmh. Et ben c'est déjà pas mal. Du coup, Mathias, cool. Tu es d'accord avec ce que j'ai dit ? Je suis d'accord avec toi, moi, tant que la vidéo en replay fait 20 vues, je suis content. Ah bah moi aussi hein. Mais et c'est à vraiment... 50 on en fait une deuxième. Non. Non. On va tous y aller. Je vais trop la partager. C'est vraiment là, je reviens sur l'original et la nuit originale. Pour toute personne qui serait fan de la nuit originale et qui nous regarderait, ouais, c'est hyper compliqué, je sais pas comment ils font. Thomas Hercouet, c'est un dieu. Je sais pas comment il fait pour tenir là. Tout le moment où j'étais pas là, j'étais sur un sac de couchage dans l'appart de Raph en train de dire est-ce que je vais vomir dans la minute. Du coup, ouais, c'est assez compliqué au niveau mental. Enfin, ceux qui ont tenu toute la nuit, je pense que y a à peu près. Enfin, on a tous des têtes qui tirent au secours, on va mourir. J'ai faim, quoi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je fais du stand-up. Merci. Mais on était un petit peu plus dynamique au début. Donc voilà, mais en tout cas, c'était bien cool. On a appris plein de trucs. On a fait merci Rémi pour cette petite hypnose merci formidable. Merci à vous. Et j'espère que tu reviendras la deuxième. S'il y a une deuxième, franchement, la deuxième, j'aimerais la faire avec vous tout le temps. Enfin, et j'espère qu'il y aura d'autres gens aussi à la deuxième parce que vers 4h du matin, on tournait toujours avec les mêmes gens. Même avant, c'était un peu... d'avoir lâché à un moment donné. C'est pas grave. Mais c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. De toute façon, on est entre potes. La prochaine fois, Kawa ne passera pas 15 minutes à flipper sa race dans les rues. Ah ouais, putain. Ouais, j'ai bien la grande rue. J'ai eu très très peur. Voilà. Mais en tout cas, c'était fort sympathique et à refaire. Et je sais pas, j'ai envie de faire un bilan de vraiment de revenir heure par heure. Qu'est-ce qui s'est passé la première heure La première heure, c'était l'heure savoureuse. Alors il faudrait faire un petit jingle. Manquer Victor. Previously dans la nuit savoureuse. Quelqu'un veut jouer du banjo, mais du ukulélé. On s'en fout si tu sais pas jouer, joue entre. Non, mais vous êtes pas obligé. Fais 4 accords pour lancer le. Ouais. Voilà, très bien. Et du Previously, dans la nuit savoureuse. Du coup, ouais, on a commencé tranquillement, donc un peu stressé. Je pense que ça s'est vu un peu mal à l'aise, pas savoir comment réagir. En plus, on recevait en même temps des messages de gens qui disaient « Hey, je te vois sur Internet, c'est cool !» Il y avait plein de monde sur le live. Sur le live, il y avait au moins 10 personnes. Ouais, c'était fou. Et c'était génial. Et des gens qui participaient au... Attendez, on a un troisième visionnage. Sur le chat. Ouais. Non. Non. Je n'ai rien dit. Et du coup, c'était vraiment sympa. Donc, on a commencé avec l'heure savoureuse, ensuite. Savoureuse, dont Victor n'était pas là. Et, Victor qui n'était pas là, ouais. Et voilà. Voilà, on va pas aller plus loin, hein, ça sert à rien. Ensuite, on avait quoi comme heure ? On avait l'heure. C'est la COP 21. Il y a un gros débat. Hein. Ouais, c'était assez intéressant. Tu vois, quand on m'avait présenté, quand Lina m'a dit je vais parler de la COP 21, j'ai fait. Ça va être un peu long. Et au fait, non, c'était super sympa. Comme quoi, les préjugés, c'est nul. Ouais, ouais c'est bien de le reconnaître. Oui, bah écoute. De toute façon, les gens qui ont des préjugés, c'est tous des cons. Ouais, voilà. Donc, mindfuck. Et du coup, c'était vachement bien d'en parler, etc., de donner son avis sur le sujet. Et donc, il y avait plein de monde qui parlait avec nous aussi. Après, on a eu leur fille. puis vous les filles, vous en avez pensé quoi? Ben, c'était très brouillon au début parce qu'on nous a un peu genre balancé dans l'arène en mode « Hey, c'est leur fille, démerdez-vous !» Et puis on a fini par trouver, faire mesure des choses. Enfin, on passait vraiment du coq à l'âne, à parler de Tumblr, à parler de musique, à parler de tout et n'importe quoi. Et à parler de Disney. Oui, d'ailleurs, on a dit ça, on a dit « Voilà, on met des filles et parle de Disney. Voilà, ma vie est une merde. Voilà. » C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Moi, je dénonce. Non, du coup, on a introduit des Tumblr rigolos, ouais. Des sites à faire quand on s'ennuie. Bah, justement, j'ai parlé On peut les répéter. On peut les répéter, les Tumblr. Bah, perso, moi, j'ai parlé de des fromages et des putes. Des F et des P. Et allez voir, c'est cool. Voilà, allez voir aussi, c'est cool. Voilà, et les garçons aussi, la version... Ouais, c'est des viandes et des connards. De la viande et des connards. Bien évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Ouais, exactement. Voilà, c'est ce que Paytash Neck qui a été mentionné. Et le Facebook... Aujourd'hui, je porte une jupe. Voilà, qui est très bien. Et il y en a un autre que j'oublie. Et ça m'attriste. Mais dans le même temps, il y a Poulet Rotique. C'est un blog Poulet Rotique. Ah, ça me tente bien ça. J'aime bien le poulet. C'est une féministe, enfin, une fille qui défend les femmes. C'est voilà. Et après, on a, du coup, on a parlé de. Donc, c'était leur fille. Ensuite, c'était quoi? Après, c'était le quiz Nagui. Le Nagui quiz. Que j'ai remporté, d'ailleurs. Qui était plein d'informations sur Nagui. Kawan nous ferait un petit chameau pour la fin. C'est encore mieux. Merci, Kawan. Ouais, c'est fait de. C'était taratata. C'était n'oubliez pas les paroles du chameau. En duplex de. Ensuite, après ça, il y a eu. Stephanie Time. Ouais, il y a eu Stephanie Time juste après ça. Qui a été fort en émotion, bourré de. Oui, de c'était vraiment bien. Très, très c'était fort. Vraiment bien. Que je vous invite. Bon, je vous invite de toute façon à revoir toute l'émission. Hein. Ouais. Mais c'est ça, c'était la séquence. La séquence cœur et sentiment. Mais pas genre ah, un cœur et sentiment vers toi, c'est vraiment les petits combats comme l'a décrit Kawan. Un concept à défendre. Et voilà. C'était vraiment, vraiment sympa. C'était vraiment cool. C'était suivi de. Je sais pas, j'ai plus le programme. Mais non, j'ai plus le programme en tête. En plus, c'est moi qui l'ai fait, c'est un peu la honte. Qui c'est qui a relancé une troisième partie? C'est nous tous. Parce qu'en fait, ça a planté. Ouais. Non, c'est Raph. Okay. Parce que j'étais à deux doigts de me dire, est-ce qu'on a perdu la partie avec Rémi Magique? Ça aurait été dommage. Après, leur nana, c'était leur quoi? Star Wars. Ah oui, c'était leur Star Wars. Genre, alors, toutes les théories. Donc on a parlé théorie du complot. Non, c'était vachement intéressant. Est-ce que vous avez dit que Luke serait un Sith? On en a pas parlé, mais on l'a. Non, bah moi je vous spoil, Luke est un Sith. Non, c'est par rapport en fait à la bande originale de John Williams qui a été dévoilée il y a pas longtemps. Voilà. Moi je comprends toujours. Du coup, voilà. On a eu nos cadeaux par Victor qui sont des paires de chaussettes Star Wars. Je tiens à dire. C'est magnifique. Moi j'ai Chewbacca. Je pense que c'est un message. Voilà. On peut les montrer à la caméra. Faites passer. Gros big up à Clément. Ensuite, après leur Star Wars, on a eu quoi donc? On a eu à 2h du matin, on a eu. Il part un moment. T'avais le planning sous les yeux. J'avais le planning sous les yeux. Pardon, je te remets le micro dans la gueule. Belles chaussettes. Après leur Star Wars, il y avait le mon quiz musical. Ah oui, ton quiz musical. Oh, mais qu'est-ce que c'était très drôle. Bien. Moi je l'ai écouté. Mais qu'est-ce que c'était drôle. Je l'ai écouté en duplex, du coup. Ouais, cool. Ça vous a plu? Ouais, j'ai adoré. Regarde, écoutez les reprises. C'est hilarant. T'as pu trouver ces reprises? Ils sont juste magiques. Bien joué. Ils sont juste magiques. On a des gens doués par ici. La fatigue. Non, mais c'est. Ouais, les reprises. Les micros. Et. J'aurais pu faire un spécial avec seulement les reprises en français de titres anglo-saxons, ouais, ne serait-ce que le sous-marin vert des compagnons de la chanson, qui est en fait une reprise de The Yellow Submarine des Beatles. Alors, Yellow, c'est jeune. Oui, non, mais ils sont le daltonien. Nous sommes tous dans ce beau sous-marin vert, beau sous-marin vert, vert comme la terre. Nous sommes tous dans ce beau sous-marin vert. C'est ça. Et on a aussi, pour revenir sur les paroles, je te recommande le spectacle des Tistix qui s'appelle Les Franglaises. Ouais. Voilà. Allez voir, c'est cool. Il y a Pivi Nova dedans. Voilà. Si jamais vous vous ennuyez en soirée, faites toujours le jeu du attention. Je prends une chanson anglo-saxonne, je te chante les paroles en français, devine ce que c'est. C'est très très drôle, ça me plaît vraiment. Il y a French Ball qui fait ça dans les French Quiz. Et bah, quand tu le fais en fait, c'est hardcore quand tu l'as pas préparé. Ah ouais. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Ce que j'adore, c'est le Nick La Police. Vachement cool. Bah, développe. En fait, le Nick La Police, c'est un, jeu où on prend le titre d'un film. On écrit n'importe quoi avec la police d'écriture du titre d'un film. Ah oui, mais et il faut reconnaître le film d'où est tiré la. Ou le groupe, par exemple, t'écris Winnie l'ourson avec la police de Metallica et les gens doivent te dire du coup Metallica. Ouais, c'est vachement cool. Et ils font aussi les. Allez voir les French Quiz, c'est cool. Les minimalistes posters. Donc c'est génial, c'est-à-dire. C'est un poster de film, un peu comme ceux qu'il y a derrière Kawan, du coup. Ouais. Par exemple, pour Fight Club, il n'y a que la savonnette. Et il faut dire, en voyant la savonnette, Fight Club. C'est vraiment reprendre l'identité graphique, mais au plus simple de chaque film. C'est minimaliste. Son symbole, quoi. C'est vraiment un test de pop culture à faire. Et l'avantage. Et remercions aussi les personnes du coup qui font ces posters, qui sont vraiment des génies pour moi du minimaliste. Et pour revenir sur French Ball, la chaîne, ce qui est bien, c'est que avec cette chaîne, ils ont voulu recréer les vieux délires des débuts d'Internet, de French Nerd, où on s'en fout. On a envie de faire un truc, on pose une caméra. Ou on mettait des vidéos sur Dailymotion à l'époque. Oh, Dailymotion, t'en souviens-tu? Moi, je voulais faire un live sur Dailymotion à la base. Et moi, je lui ai dit bah, déjà qu'on allait voir 3 vues, autant que ce soit dans de bonnes conditions. Dailymotion. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a eu ensuite après le. Bah, on a aussi appris à jouer au jeu du ces deux machins qui discutent. Genre Stéphanie, c'est deux tasses qui discutent. On l'a fait très très rapidement. Ouais, alors ça, ça a duré 2 secondes. Ah, c'est pas là. Non, qui a joué au jeu enfin, Rémi. Pas, j'ai vu passer le truc. Mais c'est deux cahiers qui discutent. Il y a l'un qui dit à l'autre tu devrais te mettre à la page. Ouais. Ah, ok. Ou alors tiens-toi à carreau. Aussi. Ou alors dépasse pas la ligne. Très bien. On est reparti pour une deuxième du original. Ah, anonyme. On la termine demain. Midi 20h. On est des fous. Et 25 minutes encore. Est-ce qu'on ne poursuivrait pas le live? Ensuite, on a quoi d'autre? Pourquoi on fait pas genre 24 heures de live? Nous, on est des tags. C'était le sexoporn. Sexoporn. Ouais. Alors, moi j'ai bien aimé. Parce que j'aime bien cool. L'heure sexoporn, c'est le premier moment où j'ai dit allez, là, je vais dormir. Parce que c'est moi qui passe à l'antenne et comme j'ai des camarades qui sont pas, absolument pas sympathiques. Mais je suis resté. Ah non. Non, t'as dormi. Non, mais je ramenais Charlotte. Oui, c'est vrai. Là où j'ai eu la peur de ma vie. Donc, Eve, toi qui es restée, Judith aussi, il me semble. Stéphanie. Bien évidemment. Donc voilà. Ah oui. Sur l'art sexoporn, je sais pas ce que vous en avez pensé. Si, c'était pas mal. Voilà. Donc je suppose que vous avez parlé de cul. De porno. Oui, porno. De licorne, effectivement. Non, c'est vraiment un avis. On nous a demandé notre avis sur ce qu'on pensait du porno. Du coup, chacun a pu s'exprimer, a pu dire ce qu'il en pensait. On a défini. C'est comme si on avait un peu défini notre. Notre rapport à la pornographie. Notre rapport à la pornographie, notre charte, notre cahier des charges du porno. Ça a l'air vachement intéressant. Assez, Non, mais c'était bien. Comment elle vend ton truc? Bah, on était un petit peu fatigués, du coup, c'est plus joli sur le papier que sur. Ok. Quel le truc. Ensuite, après, c'était le Raps Time. Ensuite, c'était le Raps Time. Alors, c'était un moment FIP Radio, mais avec du rap. Ouais. C'était. C'était cool. Ouais. Non, mais justement, j'allais dire que c'est la chose qui m'a le plus transporté mentalement avec l'hypnose de tout à l'heure. Ouais, Victor a quand même bien géré les transitions, en etc. En plus, avec sa petite histoire et tout. Avec sa petite histoire. Et on sent que c'est un sujet qu'il maîtrise et qu'il le passionne. Et que voilà, donc, je vous conseille d'aller le réécouter. Bah, rien que pour écouter. Genre, si vous voulez dormir avec ça, je crois que c'est parfait. Donc voilà, ensuite on a eu donc le quiz de quiz pute. Non, c'était leur traumatisme. Ah oui, c'est vrai, puisque ça a complètement changé. Donc, parce qu'il y en a qui dormaient. C'est fourbe. Voilà, donc oui, on a vu leur traumatisme qui était cool. On a parlé de notre peur au cinéma et atterri sur les Disney. Et oui, nous aussi, les mecs, on parle de Disney. Oh mon Dieu. Il ne fallait pas le révéler. Elle ne devait pas savoir. Donc voilà, on a parlé de tout ce qui est toutes nos peurs au cinéma et là où on a eu nos premières frayeurs quand on était petits. Et ça devait être très intéressant. J'ai parlé d'un dessin animé dont j'ai encore oublié le nom. Taram et le chaudron magique. Non, Brisby. Brisby et le secret de Mime. Ouais. De Nîmes. Nîmes. Et l'autre, c'était le petit poisson. Gloops, je suis un petit poisson. Ouais, avec une chouette, avec un hibou qui est putain de flippant. Donc, si vous connaissez pas ce dessin animé, allez le voir, il est vraiment bien, mais il fait peur. Enfin, quand t'es jeune. Mais par contre, on peut aller voir Le Voyage d'Arlo sans être traumatisé. Oui. L'autre, elle a été pillée par Pixar. Quoi. Non, il est vraiment bien. J'ai roté dans le micro. Ensuite, nous avons eu donc la matinale. Non, vous avez attaqué avec le quiz. Ouais, c'est le moment où Raph est venu. Il m'a dit, c'est bon, tu peux aller te coucher. On va faire le truc qui devait y avoir à la place. Et du coup, je vais me coucher. Je me pose sur le sac de couchage. Dans ma tête, putain, enfin, je peux me poser 2 minutes. Et là, je reçois un SMS de Raph qui me dit « Reviens !» avec 3 points d'exclamation. Et c'est pour ça que pendant le quiz pute, j'étais de très mauvaise humeur. Et du coup, j'étais hyper désagréable avec tout le monde. Parce que j'étais très fatigué et je pensais que je pouvais aller dormir. Donc, je tiens à m'en excuser. Mais c'est pas grave. J'étais pas dans mon état normal. Ce n'est pas grave. Eve, je t'ai crié dessus. C'était compréhensible. Désolé. Elle avait oublié. Plus compte, tu vois. Merci. Merci, Rémi. Mais ouais, et c'était vraiment bien ce petit quiz pute fort sympa. Je suis deg de ne pas avoir été là. Ouais. Ensuite, on a eu donc la matinale de la nuit anonyme qui était du grand n'importe quoi. Est-ce que vous avez réussi à avoir quelqu'un au téléphone? Oui, ils ont appelé des maisons de retraite et des bouchers. Et des boulangeries. Est-ce que vous êtes fait insulter? Non, parce qu'il a été très gentil. Mais le boucher, il était un peu sur les nerfs. Ouais, le boucher. Vous les avez interviewés ou Non, non, c'était juste pour chercher un stage. Tu passeras mardi à jeudi pour qu'on parle à vive voix. Yes. Donc je vous conseille juste d'écouter juste pour ce magnifique boucher. Je pense qu'il allait à Rungis et du coup ça l'a un peu saoulé. Pardon. Boulanger, si tu nous écoutes. Une demi-heure plus tard, nous avons parlé de toute substance psychotrope, comme on dit, donc c'est ça, alcool et drogue. Et du coup, hypnose aussi. L'alcool n'est pas psychotrope stricto sensus. Oui, enfin, machin qui. Bisous. Des trucs qui toutes les substances que quand on prend un peu trop. C'est déjà un peu con. Et il y en a un qui avait testé plein de trucs. Ouais, mais c'est d'ailleurs, on a testé en live. Phrase de Mathias, c'était La drogue, c'est mal. Et du coup, je tiens à exprimer mon scepticisme sur tout ce contrôle de drogue. Voilà. De quoi ? Parce que les gens ont dit qu'on pouvait modérer la drogue ? Ouais, enfin, tu verras. Écoute, non, parce que j'ai un peu oublié, mais c'est un genre de conversation que j'aime pas trop avoir avec des gens. La drogue, c'est mal. Vite. Puis je suis resté comme un débile en plus, mais j'ai pas voulu rage quitter, j'ai évité de faire une victoire. Ne rage quit. C'est bien, quel combat. Ouais. Ensuite, il faut tout GG, oui tout. Ce GG. Oh putain, c'est génial, oublier merci. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à jouer contre moi. À savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois. À coup de pourquoi le turbo maraudeur. Mais ne rage quit pas. Ne rétouite pas. C'est beau. Et je suis bien mieux d'offrir un GG, même si mon clavier ne l'accepte pas. Et le pire des joueurs, j'ai envie d'écouter face à la plus grosse brute, c'est remonter son fut. Et s'il est bon malheur, tu peux toujours wiler. Et si tu deviens fou, et si tu perds tout, et jusqu'à ta fierté, mais ne rage quitte pas. Ne rage quitte pas. On va être obligé de quitter nos éditeurs au bout d'un moment, hein, les enfants. Hein. C'était Monsieur Vert. Allez écouter Monsieur Vert. C'est donc cool. Ensuite, nous avons parlé de. Merci Kawan. De je crois que c'était le coup, c'était votre quiz à 8h. Il avait l'air trop bien, je suis désolé. Et c'était vraiment bien, ouais. C'était génial. On s'est tapé des bonnes barres quand même. Ah ouais, je regarderai ça. Je suis arrivé au dernier jeu, c'était rigolo. Raphaël, il était à fond. Parce qu'en fait, ouais. C'était, en plus, c'était vraiment genre le moment. Ce qui est super drôle, c'est que à 7h59, on était tous par terre. À 8h, on était tous en train de sautiller sur les lits pour répondre aux questions. Et moi, j'étais toujours en lutte perpétuelle avec moi-même et mon œsophage qui voulait régurgiter tout ce qu'il avait. Pas ingurgité dans la journée, mais malheureusement, c'était pas grand-chose. Du coup, il y avait en partie. Parlons peu, parlons vomi. Parlons de la bile. La bile. Habile. La bile. Bile. C'était un quiz vachement bien. Et ensuite, on a eu. Oui, je zappe vite. Parce qu'il on a parlé du Steph Time. Oui, on a parlé du Steph Time. Pardon, qui était vraiment c'est cool. La fatigue. Et ensuite, on a eu, donc à 9h sur le planning, on a un trou, on a un blanc. Du coup, comment vous avez meublé? Eh bien, c'est simple. On a reçu un texto de Guillaume. Qui est arrivé okay. Pendant le quiz et c'est Guillaume qui c'était le Guillaume Time. Ah, j'ai reçu okay. Un message Rémi, tu peux venir à 9h parce que je l'ai reçu, enfin je l'ai vu à 9h15 donc voilà c'était le temps que j'émerge. Voilà, c'était sur les post-mortem. Mort imminente. Les MI. Attends, expérience de mort. EMI. Les EMI. C'est les NDE. Near Death Experiences. Expérience de MDE dans la langue de Booba. Voilà. Et c'était assez intéressant. Même ouais. Si on a beaucoup divagué, parce que la fatigue. Vague. Merci. Parce que la putain. Fatigue, justement, crée ce genre de réflexe nul. Il y avait un blanc, puis d'un coup, il y a eu la lumière en mode. Ah oh oh oh oh là du coup, oh, voilà. Ensuite, Rémi est arrivé, enfin. Oui. Et on a pu assister à quelque chose de grand, de magique. Ah ouais. Merci beaucoup de Rémi magique. Et oh. Et là on est à l'heure de fin donc on est en train de tout meubler. Et oui et je vais terminer juste pour dire que cette nuit anonyme était cool parce que comme a dit Kawan, nous avons pu avoir un spectre de sentiments totalement complet. Voilà. Allez le voir, il est pas si mauvais que ça. Hein. Tu peux rajouter ton commerce. Moi, j'ai bien aimé l'organisation sur le fait qu'on avait une heure à chaque fois. Mmh. Alors, des fois, on n'avait pas trop envie que ça s'arrête parce qu'on se marrait bien, mais finalement, ça nous a permis de voir plein de trucs différents. Mmh. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Ça, je tenais à vous dire bravo, merci. Les gars, pour cette merci. Organisation. Ouais. Parfaite. Merci. Donc voilà, maintenant on a un quart d'heure à meubler, donc on fait quoi? On parle du poulet frites. Est-ce qu'on parle du poulet frites? Oui, alors pour donner fin à tous nos auditeurs, on va se bouffer un et poulet si on frites. Parlait des recettes de cuisine étudiante alors, quand on est seul et étudiant, que mange-t-on? Quels sont les bons plans? Pas de saumon. Est-ce que tu as un four de quoi cuisiner? Non, je n'ai pas de four. Absolument rien. Donc moi, mon bon plan, c'est le thon à la catalane et le maïs. Oh, thon. Ça marche avec tout. C'est pas le temps. Hein. Voilà. Hashtag ta gueule. Mathias. Ouais. Pardon. C'est vachement agressif le hashtag ta gueule. C'est vrai, ça fait deux fois aujourd'hui. Ouais, mais je m'en fous. On me l'a pas dit, du coup, je quitte pas le plateau. Ce sera le grand regret de cette nuit anonyme, en fait. C'est qu'on n'a pas fini de consulter là parce que c'est bloqué sur Facebook. Exact. Ça se trouve, il y a eu 15 hashtags ta gueule. C'est un trending topic France. Pour présentement, je... Ouais. Voilà, quoi. On se soutient là-dessus. Je suis sous hypnose, mais moi-même, tout seul, comme ça. Est-ce qu'il y a des gens qui sont allés voir l'expo Séoul vite vite? Il y avait la nocturne vendredi soir. Ah, pas la nocturne. Mais voilà, c'est la même chose. C'est cool. Est-ce que vous êtes entré dans l'espèce de structure où il y a tous les miroirs? Oui. Et alors, il y a la sortie, mais il y a aussi un petit chemin dérobé sur le côté qui mène à une pièce où il y a plein d'ampoules ouais. Autour et tu découvres ça et t'entres et donc t'as la lumière qui t'englobe et t'as vraiment l'impression d'entrer dans quelque chose de nouveau. Moi j'ai l'impression d'avoir été transcendé par cette œuvre. C'est ouais, ça me faisait penser à la salle d'Harry Potter avec toutes les boules de lumière, ouais, le réfectoire. Oui. Raté. Deuxième essai. Cette... cette toute petite pièce avec les ampoules me faisait penser à la scène d'Harry Potter, enfin la salle, le département des mystères où il y a toutes les boules de lumière. C'est vrai. Et c'est trop cool. Mais c'est vraiment hyper. C'est une œuvre. Je crois que c'est la première œuvre d'art qui me fait cet effet. De, je sors ou j'arrête de regarder l'œuvre et je me dis waouh. Je me sens transcendé. Voilà. Pénis. Penis. Tu t'en vas vers toi-même là. Est-ce que ça te fait un ne t'endors pas, le Pierre. Syndrome Stendhal. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est le syndrome Stendhal? Non. Voilà, on va apprendre des trucs excitiques, quoi donc. Encore. Mais qu'est-ce que c'est que le syndrome Stendhal? Donc que le syndrome. Eh ben en fait, le syndrome Stendhal, ça, c'est un syndrome qui fait que une œuvre d'art puisse nous émouvoir au point de nous faire pleurer, de nous plonger dans un état de franche mélancolie, de passion puissante, donc jusqu'à fondre en larmes devant l'œuvre, tellement c'est beau, tellement ça nous touche au plus profond de nous. Et ça s'appelle syndrome Stendhal parce que selon la légende, Stendhal serait passé devant une œuvre d'art et aurait pleuré sa mère devant tellement c'était beau. Alors, et émouvant. Ce genre de réaction, ça s'appelle, ça s'appelle une abréaction en hypnose. C'est une sortie de sentiment d'un coup, une explosion d'émotion. Et moi, j'ai envie d'être un peu chiant. C'est-à-dire qu'on changeait complètement de sujet. Tu l'es tout le temps. Oui, mais en parlant d'hypnose et de massage du cerveau, j'ai envie de terminer ces dernières 10 minutes. Sur de l'ASMR. Non. Si. Est-ce que tout le monde connaît ce que c'est l'ASMR? Oui, non, je sais. L'ASMR, c'est le branlage de cerveau. Oui, c'est faire. Ah mais t'as pas de casque Eliott, du coup tu vas pas comprendre. Faut que tu chopes un casque. Bah non, tu n'as pas de casque Eliott. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bah au fait c'est qu'il y en a 4 là au fait. C'est voilà. Kawan qui a récupéré le casque. C'est Kawan qui a récupéré le casque de... Ça fait un moment quand même. Hein. C'est Kawan. Mais tiens si tu veux. Non mais c'est bon, c'est bon. Bah tu connais pas la ASMR, je vais t'en faire un petit peu. Alors la ASMR. L'ASMR. C'est un espèce de... C'est un mindfuck de ce qu'on m'a dit. Ouais, si t'es sensible c'est bien cool. Et si on écoutait un bruit blanc pendant les 10 minutes qui restent? Oh, voilà. Jamais eu ce casque avant. C'est les bruits blancs à l'ASMR. Ah bon? C'est bon ton casque, tu t'entends? Ouais. Alors je vais expliquer doucement ce que c'est l'ASMR. En fait, l'ASMR c'est très simple. Vous écoutez, c'est comme l'hypnose. Vous écoutez le son de ma voix. Vous écoutez bien. Et vous allez ressentir comme si on vous grattait le cerveau. Vous voyez les petites araignées. Pénis. Alors l'ASMR, alors je sais pas si l'ASMR, je sais pas si tout le monde est très sensible à ça. C'est horrible, ça gratouille le crâne, je vous déteste. C'est si vous êtes intéressé par ce genre de truc, allez voir sur le net, tapez ASMR et c'est ASMR. Ouais. C'est juste un mec qui parle en grattant son micro. Non, c'est, alors. Moi, je demande à mon chat, il fait la même. Non, moi, je le fais mal. Mais par exemple, il y a des personnes qui vont prendre des trucs comme ça et qui en fait. C'est hyper creepy en fait. Ouais, c'est. Listen to my voice. Listen to my voice. Oh, I'm behind you. Il y en avait même une qui récitait ses cours de français. Je monte le c'est glauque. C'est... Moi, je trouve que c'est endormissant. Endormissant, et tu trouves que ma voix fait peur d'hypnose. En fait, et là, du coup, ça me fait pas peur parce qu'il n'y a pas de but derrière. Et l'ASMR, c'est vraiment sympa. Si, allez voir sur YouTube, il y a des vraies bonnes chaînes d'ASMR. Et honnêtement, un petit coup de stress, un petit coup d'ASMR. Pas de stress. Il y a point S. C'est comme le Calmox. Comme un ouragan qui passait sur moi. Vous avez jamais vu ces vidéos de quoi de, le cri, et ça s'appelle Chris d'angoisse. Et il prend un Calmox. Et en fait, c'est un mec genre. Mais c'est vraiment complètement psychédélique. Genre, vraiment, il y a des gens comme ça qui arrivent chez lui. Je fais. Mais il danse dans mon salon. Enfin, il pète vraiment un câble. Et du coup, à chaque fois, il dit stop. Prenez un Calmox. Et du coup. Mais la drogue, c'est mal. Oui, voilà. Là, comme ça, ça a l'air vraiment nul, mais il faut vraiment les voir. C'est sur ce, cool. La nuit originale, c'est fini. Merci de nous avoir. La nuit anonyme. La nuit originale. Oh, la vache. Tu t'es trahi toi-même. Ouh, ça y est, on finit très très mal. Allez. Heureusement, j'ai spoil, en fait, c'est nous, la nuit anonyme. Donc, du coup, on va se quitter. Est-ce que tu peux me passer la petite souris qui a juste devant l'écran? C'est un grand moment de l'histoire. Ouais, on va faire bizarre. Sur le bouton stop de la vidéo. Après une nuit de bataille, le repos bien mérité des guerriers arrive. Pénis. Au revoir tout le monde. Plein de bisous tout le monde. À et à bientôt. À ciao, bonsoir. Allez, ciao, salut. Salut. Bye. Pénis. Yes. Bon. Et je vous annonce que c'est la fin de la nuit anonyme. Ouais. C'est vous, j'adore.